Nihalski, par Léon Gozlan. Une sombre matinée de janvier enveloppée d'un brouillard aigre et malsain la très remuante cité de Bamberg. Cependant, à peine 7 heures avaient retenti au clocher gothique de la cathédrale, et déjà les industrieux habitants ouvraient leurs boutiques et saluaient de leurs fortes mains gantées les mariniers qui se rendaient sur les quais du Main. Quelques-uns de ces derniers, debout devant le comptoir, le verre de gin exhaussé à la hauteur de l'œil, s'entretenait de la rigueur de la saison, du froid excessif de la nuit. C'étaient de rudes plaisanteries sur les poissons qui se trouvaient pris sous les glaces et qui se tenaient probablement en réserve pour l'arrivée des Français afin d'être mangés par eux plus frais et plus délicats. Ils ne tarissaient pas en plaisirs aquatiques sur nos troupes qui toutes, à les en croire, avaient perdu le nez le même jour au passage de l'Oder. S'ils entrent dans Bamberg, ajoutait un autre en continuant cette ingénieuse facétie nationale, et que nos femmes ne soient pas fidèles, nos lunetiers vont réclamer contre nos fils. Ils naîtront tous camards. Pour toi, Brown, la supercherie conjugale sera impossible, car de Bamberg à Francfort, ton nez fait ombre, et Würzburg se demande s'il y a éclipse quand tu fumes au clair de la lune. C'est vrai, mais si j'ai un grand nez, tu n'en as presque pas. Et ta femme n'aurait pas besoin d'attendre les Français pour te jouer le tour. Bien dit. Fais-moi verser de ce dernier coup de brandevin pour avoir si bien parlé, et partons. Des pièces noires et oxydées par l'humidité des poches de mariniers tombèrent sourdement sur le comptoir de chêne, et ils sortirent. Comme ils allaient s'enfoncer dans la brume noire et opaque qui révélait les abords du quai, ils entendirent glisser à côté d'eux comme quelque chose de soyeux. « Brown, plaît-il, as-tu vu cette chauve-souris ? C'est sans doute la fée noire qui va se coucher, après avoir sucé le sang des petits-enfants et desséché le lait des nourrices. Plaisanterie à part, Brown, c'est un homme. Tiens, regarde-le papillonner comme les ailes d'un moulin à charbon là-bas, au carrefour de la fontaine. S'il a soif, il trouvera le brandevin des chiens un peu froid. Grand bien vous fasse, mon ami. Ça ne vous échauffera pas le sang, camarade. » Et la voix de l'ombre, penchée sur le bassin de la fontaine du carrefour, leur répondit « Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous donne un bon voyage. » Brown, il parle de Dieu, c'est le diable. Les mariniers lui répondirent « Merci. » Cette ombre n'était rien autre que l'étudiant en théologie Augustus, sorti cette nuit même du séminaire et rôdant sans savoir où il irait se loger dans cette ville où il n'était connu de personne. Car Augustus naquit à Francfort sur le Main. Sans apprécier au juste les dépenses nécessaires à l'existence, il sentait qu'avec un Frédéric d'or, il lui était difficile de vivre plus d'une semaine, étant d'ailleurs accoutumé à une vie de plénitude et d'aisance, méritant le dîner par le bénédicité ou le payant avec les grâces. N'eût-il eu que ce chagrin, c'était déjà assez pour regretter le séjour qu'il avait quitté la veille, lieu où il jouissait de la considération attachée à la double qualité de théologien et de poète, où sa chambre donnait sur un embranchement de la rivière, où sa bibliothèque eût fait envie au docteur Faust, tant elle contenait de manuscrits grecs, persans, orientaux, de bibles polyglottes et de poètes anciens et modernes, où enfin, de son lit massif et élevé, il voyait lever la lune et coucher le soleil, seule volupté qu'il eût connue jusqu'alors. Et celles-là sont si grandes. Entretenu aux frais d'un vieux parent, et ce parent venant de mourir, Augustus manqua tout à coup d'argent pour payer sa dernière inscription théologique. Et pourtant, il ne lui fallait plus qu'un degré. Qui sait la fortune rapide qu'il aurait fait sans ce fatal contretemps? Il s'était déjà figuré diacre, archidiacre, cardinal, envoyé à la diète. Non qu'il fût très ambitieux. Mais une fois indépendant et riche, que de livres il aurait acheté, il aurait lu dans sa vie de loisirs et de méditation. Il fallait renoncer à tout ça, sortir une belle après-midi d'hiver du séminaire et chercher son étoile. Il en sortit. Et il n'avait, pour braver le froid du plus redoutable janvier, pour se garantir du brouillard qui avachissait l'air, qu'un habit noir, que des culottes en Florence noires, un peu usées dans leur longueur, tant il avait l'habitude de croiser ses jambes et de les balancer lorsqu'il cherchait la solution d'un argument théologique, et pour toute chaussure des escarpins plats, découverts et minces, serrés par une boucle d'acier. Un vrai séminariste, mais avec cela une tête comme l'Allemagne seule en produit. Une tête encadrée dans des grappes de cheveux blonds et soyeux, et laissant détacher des traits que les passions de la terre n'ont encore ni flétris, ni ridés, espèce de caractère grave, et enfant autant du ciel que de la terre. Si ma muée a mis de ces têtes-là dans ces auréoles de nuages, mais jamais que des têtes, car on ne sait comment les terminer. Des pieds, ce n'est pas assez, des ailes, c'est trop. Notre langage humain se sert de deux ou trois couleurs pour peindre les yeux. Je suis donc fort embarrassé pour peindre ceux d'Augustus. Ils étaient bleus, il est vrai, mais n'étaient-ils rien d'autre? Milton en a donné de si beaux à Satan. Eh bien, que ce soit les yeux de Satan. Des yeux à vous faire suivre par une femme jusqu'au bout du monde, à la faire courir après vos pas sur un fil de fer jeté sur un abîme, à lui dire « Assis, debout, suivez-moi » et à de s'asseoir, de se lever, de vous suivre. Regard qui, plongé dans un regard ébloui, domine, fascine, saoule. Cependant, Augustus est bon, et ce dont n'est chez lui que le complément d'une figure céleste. Mais avec de beaux yeux et une âme pure, il faut néanmoins dîner. Augustus y songea. Il s'arrêta à la porte de l'hôtel de la Joie, très connu à Bamberg, avant l'entrée des Français. L'enseigne lui parut fort peu orthodoxe. Il recula d'abord, puis il revint, enfin il entra. « Qu'est-ce donc, dit-il à l'hôtesse en s'asseyant, que ce bruit mondain qui retentit dans vos salles? Notre gracieuse souveraine a-t-elle accouché d'un fils? Ou nos soldats ont-ils vaincu l'armée française sur le Rhin? Ce n'est rien de cela, mon doux Séraphin. Vous avez devant vous la troupe de comédiens qui a l'honneur de jouer pour le théâtre de la cour, tous bons vivants, allemands pour la boisson, italiens pour la gourmandise, français pour l'esprit. Si le cœur vous en dit, approchez-vous de leur table. Allez, vous serez le bienvenu. Que faut-il vous servir, mon Séraphin ? » Augustus devint rouge, il balbutia, demanda à un mec qu'il n'avait probablement pas envie de manger, et moitié poussé par l'hôtesse, moitié entraîné par un des joyeux convives, il s'assit à leur table. « Vous êtes trop timide, notre jeune ami, » lui dit le tyran de la troupe. « Hélas, monsieur, je suis séminariste. Vous devez le voir, de reste à mon costume. » « C'est vrai. Mais comment vous trouvez-vous ici ? Notre société n'est pas des plus à dédaigner, mais enfin, elle convient peu à votre caractère. » « Je me suis déjà dit cela, monsieur. Mais considérez, avec cette bonté que vous me manifestez, que je suis étranger, sans parents, et renvoyé de mon séminaire, où l'on n'a plus voulu de moi, parce que je n'ai pas eu de quoi payer mon dernier degré d'inscription. C'est différent. Vous voilà donc lancé dans le monde sans ressources, sans appui. Vous dites, et que savez-vous faire? Peu de choses, mais enfin. Quelques connaissances en théologie, quelques dispositions à être poète, et voilà tout ce que je possède. Je le vois, vous avez des goûts et point d'état. Prenez-y garde, c'est la perte de beaucoup de temps, le chemin à l'oisiveté, la ligne droite qui conduit à la misère et à la déconsidération. La sagesse de cet homme qui, un instant auparavant, vidait bravement son verre, qui chantait à effrayer un bol de corbeau, étonna beaucoup notre jeune théologien. La réflexion qui avait suivi sa modeste réponse l'effraya. « Que faut-il donc que je fasse ? Que je devienne ? » reprit-il. « Vous ne buvez pas, jeune homme ? Pardon, je suis tout à votre poésie. Quelle belle chose, monsieur, que la poésie de Saint-Jean, d'Homère et de Schiller. Saint-Jean, qui vous monte au ciel avec un manteau de feu ou un rayon de soleil. Homère, sur un char traîné par des oiseaux blancs et de belles femmes. Schiller, avec la pensée seule, qui est son char et son rayon. Une fois au ciel de Saint-Jean, ce sont les chérubins aux triples ailes, dont les yeux humains ne peuvent soutenir l'éclat, qui vous disent les merveilles que le génie de Swedenborg a devinées. Ils vous disent « Voyez la terre, c'est une tache ». Puis un ange étend son doigt dans l'espace, et la tache disparaît sous l'épaisseur du doigt. Enfin, de rêve en rêve, vous arrivez à la tour céleste, promontoire d'où l'on découvre, comme je vous vois, les planètes et les mondes qu'un éclat de soleil a fait naître. Chaque étoile, monde ou planète est un corps de parfum, de lumière ou d'harmonie. Et par une indicible confusion, les parfums sont visibles, l'harmonie a une saveur, la lumière s'entend. C'est ce qu'on a désiré mille fois sur la terre. C'est le ciel qui réunit les désirs de l'âme. Voilà la grâce, l'âme est satisfaite. Je n'ai dit que Saint-Jean. Homère n'a pas le vol si profond. Il a pris les nuages pour le ciel. Aussi ses dieux sentent la terre. Ils trébuchent souvent, tombent, meurent, et ne vont pas plus haut que l'arc-en-ciel. Schiller a pris la terre et ses passions. j'ai presque dit l'enfer, car la terre est un enfer éteint. Avec lui, plus de rayons de feu, de nuages, mais des passions échevelées, des fronts maudits, des joies empoisonnées et des remords de sang. J'ai dit mes trois poètes. Ils sont les nôtres, monsieur. Eh bien, vous le prouvez vous-même. La poésie fortement sentie, c'est le drame. Et si vous vous fussiez vu il n'y a qu'un instant, vous auriez été dans l'admiration de votre visage, tant il était aérien et céleste avec Saint Jean, gracieux et tendre avec Homère, sombre, vif, accusé avec Schiller. La mobilité de vos traits, votre voix qui est flexible et forte, vos yeux comme on n'en a pas encore vu au théâtre, feraient de vous un excellent artiste. Appliquez vos dispositions à quelque art utile, éloquent, je vous dirais, soyez avocat, instruit, soyez professeur. Industrieux, ouvrez une boutique de quincaillerie. Rêveur et passionné, soyez comédien. À ce mot, soyez comédien, Augustus recula avec effroi, puis laissa tomber sa fourchette. Ce bruit attira sur lui l'attention des autres convives. « C'est bien !» s'écria dans l'autre bout de la table, un artiste au front élevé. « C'est bien ! Le conseil est bon, soyez comédien !»« Quelle vie, monsieur le théologien ! Qu'est-ce qui fait l'homme ? Qu'est-ce qui le distingue ? Ses passions et son habit. Ayez de l'ambition et un manteau d'hermine pendant 3 heures, et vous serez roi. Roi de Macédoine, de Suède, de Russie. Ayez durant une soirée du courage et une cuirasse, et vous serez un héros. Schiller, Shakespeare ou Goethe vous trouveront un champ de bataille. Des périls à braver, des fossés à franchir, des incendies allumés à éteindre. J'ai une armure complète du Moyen-Âge, voyez, elle est à votre service. Aimez-vous mieux le monde fantastique ? Quel chant ! Vite la toque moqueuse de Méphistophélès sur votre oreille, le pantalon rouge crevé, la moustache de chat, et puis vous causerez science cabalistique avec le docteur Faust. Amour se désoranger, au clair de la lune, avec quelque fille bien innocente, bien naïve, qui vous demandera si la lune est un homme ou une femme. Ou bien avec des sorcières remuant des eaux dans un chaudron sans fin. Des sorcières lascives, vertes, ridées et chauves, qui rient si fort et d'une si étrange sorte que leur rire écaille les arbres et fait tomber les feuilles. Cette fois, la proposition indirecte d'être comédien blessa beaucoup moins Augustus. On l'avait loué, il était presque séduit. « Que craignez-vous d'essayer ? Venez nous voir ce soir dans Roméo et Juliette, acceptez ce billet d'orchestre. » Augustus accepta en hésitant, mais enfin il accepta. Les comédiens du roi se levèrent, firent quelques plaisanteries spirituelles à l'hôtesse sur le jeune étranger qu'elle avait assis à leur table, et bras dessous, comme de joyeux vivants, ils gagnèrent le théâtre royal. Augustus sortit aussi, mais pensif, mais troublé, enfonçant ses mains dans ses goussets de satin, et tourmenté comme un poète qui trouve un bon sujet dans la rue, et qui dévore le terrain qui le sépare de son cabinet d'études. Bon, il ne sentit ni le froid, ni la glace dure à ses escarpins, ni le brouillard. Au moment d'entrer au théâtre et de donner son billet, il tendait encore la main, qu'il entendit sonner 6 heures au séminaire. Il s'arrêta, pensa à Saint Jean, à sa protectrice, sainte Adélaïde, et fut prêt à sortir, indigné de se trouver sur les marches de ce séjour. La foule le poussa, sa puissance de volonté fut annulée par la nécessité d'entrer dans la salle, il entra, s'assit, écouta. 6 jours après, il n'était plus spectateur. On lisait sur l'affiche du Théâtre Royal, début du jeune A, dans le songe d'une nuit d'été, rôle de Lysandre. Le soir du début d'Augustus était enfin arrivé. Dans la coulisse, ses amis de l'hôtel de la joie lui prodiguaient les plus sincères encouragements. Quelques indiscrétions ayant trahi la condition première du débutant, les spectateurs étaient venus en foule et la salle offrait le plus splendide coup d'œil. Divergé autour de son auréole, les rayons du luminaire à grappe de cristal illuminaient de riches toilettes et répandaient son éblouissante clarté sur des visages pâles et larges de belles brambergeoises. Du milieu de dures gorges entrebâillées montaient des branches de roses inodores entrelacées de jets en diamant. Autour des bras gainés des jeunes filles de Maine couraient, comme des lignes de sang, des grains de corail et de fin grenat, et comme autant d'oiseaux volant sur cette écume agitée, se balançaient des plumes blanches et roses, couleur favorite de la reine. Toute l'aristocratie de Bamberg, encadrée dans des loges sombres et voilées de tentures massives en velours, se détachait en figures graves, solennelles, comme de la cire, et immobile comme dans un tableau de Van Dyck. L'orchestre joua l'ouverture et le rideau fut levé. Augustus parut. Il eut peur à l'aspect de ses yeux vivants dardés sur lui. Son imagination apocalyptique le fascina à ce point que les instruments de l'orchestre lui parurent autant d'animaux qui le raillaient. La flûte lui sembla un serpent jaune, le violon un scorpion, la grosse caisse un crapaud, la harpe une araignée, la basse un crocodile. Ses membres tremblaient. Pourtant, son apparition excita un murmure d'admiration. Il était ravissant avec son costume mythologique, athénien, féerique, comme la pièce, comme ce songe d'une nuit d'été de Shakespeare, libertinage de la plus belle imagination créée. Car tout est dans cette pièce, érudition, folie, sentiment, poésie. Des noms grecs, des noms modernes, des noms de Péri, et la lune, et la campagne, et le balai des sorcières, et le filtre de Canidie, et les chiens qui aboient. Et tout cela est léger comme son titre, vaporeux comme un brouillard sur un lac, brillant et silencieux comme un éclair d'automne. Dormir au serein sur le foin et rêver, voilà le songe d'une nuit d'été. Sa mélancolique et blanche figure, légèrement carminée par le phare, s'arrondissait sous un bonnet phrygien. Sa taille était prise dans une tunique criante d'étoffe, frangée de dentelle flamande. Ses jambes étaient à l'étroit dans un collant en velours noir d'Utrecht. Rien ne pouvait mieux le flatter. Que de femmes auraient voulu être Hermia. Le succès du débutant alla aux nues. Enivré d'éloges, étourdi d'applaudissements, chargé de couronnes de fleurs, il rentra dans la coulisse. Là, il tomba dans un fauteuil et rougit de son triomphe. Son imagination religieuse le reporta à son séminaire, à ses chastes occupations, à ses travaux du jour, à ses prières de la nuit, à son vieux directeur, qui parlait latin comme un livre. Il essuya le fard qui flambait à ses joues, et par distraction, en allongeant la main à son front, il fit le signe de la croix. La nuit qu'il passa fut la plus agitée de sa vie. « Savez-vous, lui dit un jour le tyran de la troupe, bon diable avec lequel nous avons déjà fait connaissance à l'hôtel de la joie, que la jeune baronne Nihalski prête une attention soutenue à vos débuts. Voilà bientôt 15 jours qu'elle se rend régulièrement au spectacle chaque fois que vous devez jouer. Elle a du goût, la baronne. C'est la fleur parfumée de nos salons aristocratiques. Elle touche le piano à ravir, parlant le français comme un académicien de Berlin, sensible comme une polonaise, pâle comme vous. Mais vous ne répondez pas. Que disiez-vous ? Diable, diable, comme vous êtes distrait. Je me faisais l'honneur de vous dire que la jeune baronne Adélaïde Nihalski semble vous porter un vif intérêt. Adélaïde, dites-vous, mais c'est ma sainte protectrice dans le ciel. Oh, que de prières j'ai prononcées au pied de sa sainte image. Que de nuits se sont écoulées à lui demander des grâces qu'elle a toujours exaucées. Excepté une, pourtant. Je sollicitais de sa puissante intercession la faveur de prendre mon dernier degré en théologie. Sa faveur m'a abandonné. Mon oncle est mort, et je suis comédien. Et grand comédien encore, monsieur, le meilleur de la troupe. Dans tout Bamberg, on ne parle que de vous. Les journaux sont trop étroits pour faire votre éloge. On a presque oublié pour vous la marche et les succès de l'armée française. Vanité. Allons, artiste modeste, homme rare, c'est à votre tour de paraître. Cette fois, ses yeux se portèrent vers la loge de la baronne Adélaïde Nihalski. En effet, il s'aperçut qu'elle pleurait lorsqu'il pleurait, qu'elle riait lorsqu'il riait, qu'elle détournait les regards de la scène lorsqu'il ne parlait plus. Voilà qu'il se mit à confondre et les souvenirs fervents de sa protectrice céleste et l'impression profonde que produisait sur lui la vue de la baronne. Ce rapprochement le bouleversa. Dès ce moment, et pendant un mois, il attacha constamment ses regards à la loge de Nihalski. Il jouait pour elle. Son lustre, son théâtre, ses applaudissements, c'était elle. Cette préoccupation d'amour-propre le rendit si fort dans le rôle de Lysandre qu'il y excella. Ce fut une merveille. Un soir, que selon l'habitude, on lui jetait des couronnes, parmi son bagage de gloire, il trouva un gant. Gant brodé de perles, parfumé à l'ambre. A désespéré une fée par sa petitesse. D'abord, il n'osa pas le toucher, puis il le baisa. Puis il rêva une main dans le gant, puis la main appela le bras, enfin tout le corps frêle, incliné, pâle, d'Adélaïde. Quand il reparut le lendemain soir en scène, entre les plis de sa tunique débordée, avec une intention qu'une seule personne comprit, le gant ramassé la veille. Voilà qu'au moment où l'enchanteur Puck endort la fée Titania pour lui enlever le beau page, on cria au feu. Le feu était dans la salle. Au premier aspect, les spectateurs avaient cru que les grandes clartés de la scène étaient un prestige inattendu du décorateur. Mais cette surprise se changea bientôt en effroi lorsque des flammèches volèrent du fond du théâtre dans la salle, collant des lambeaux de frise au pourtour des galeries, laissant pleuvoir des poignées d'étincelles et des bouffées de cendres chaudes sur les coiffures des femmes. Ouvert sur la salle, une fenêtre du fond, qui donnait passage à un rapide courant d'air glacé, ramassa la flamme en faisceau, la roula comme un nuage ou une trombe renversée, et par sa violence, la poussa de place en place jusqu'au centre des loges d'en face. Alors on entendit crier des parures de soie, épaissir comme du sel des cheveux, des rubans moirés, des gaz, les ceintures claquaient au vent de la flamme qui, dans ses ondulations, là, dévorait un bras, là, délaçait une gorge, souillait un visage et laissait après son passage des figures écarlates et roussies, des corps étouffés sur le dos de la rampe et penchés comme s'ils eussent regardé dans un puits. C'était horrible et beau, mais le désordre allait toujours croissant. Bientôt les peintures à l'huile du plafond, les boiseries sculptées des corniches, les accents des colonnes furent la proie de l'incendie et ces figurations mythologiques, agitées par le travail de la combustion, semblèrent marcher, courir, voler, se tordre avec leurs ailes, leurs pétassus, leurs queues de sirène et leurs langues de serpent. Dans les corridors, c'était une marée d'hommes et de femmes qui tantôt montaient jusqu'au plafond en galets bruyants et tantôt roulaient sur les carreaux foulés, avachis, pressés comme des torrents d'algues marines. Beaucoup ne se relevaient plus. Des gorges crevaient sous des talons de bottes. Des poitrines pressées par des poitrines râlaient des malédictions et recevaient en échange des aspirations de térébenthine, de soufre, de charbon et de vitriol. Ceux qui étaient encore dans la salle furent témoins d'un spectacle affreux. Le cordon du lustre, mordu par la flamme, s'amincit, se contracta, se détendit avec un épouvantable tournoiement. Et ceux qui étaient dessous attendaient, sans pouvoir changer de place, la chute du luminaire. Après plusieurs circonvolutions éblouissantes, après un claquement étourdissant, des verres qui se brisaient en se heurtant, il tomba comme une meule et couvrit 30 personnes de sa masse. Il y eut des éclaboussures de sang et d'huile qui rejaillirent jusqu'au plafond, et cela fut fait dans quelques minutes. Une personne que l'anxiété d'Augustus n'avait pas perdue de vue était restée dans sa loge. Dans sa croisée de feu, elle était assise, immobile, accoudée, regardant la scène. Au dernier degré du désespoir général, Augustus étreignit la colonne la plus voisine de la loge d'Adélaïde, s'y cramponna convulsivement et avec ses pieds, et avec ses mains, et avec sa tête, et avec ses dents, et avec sa rage, il arriva à la hauteur parallèle de la loge, s'y lança, s'y retint, y pénétra. Alors il se saisit d'Adélaïde, la jeta sur ses épaules, et le poignard de Lysandre à la main, il s'ouvrit un passage à travers la foule, tuant tout ce qui s'opposait à sa marche. Il arriva sur la place. Quelle nuit! Là, le ciel rouge comme un affront, là-bas, étoilé et gris, puis le tocsin dégoisant du fer, le froid rayant l'air, et par-dessus tout, la grande colère du Maine qui débâclait. La terre et le ciel tremblaient. Le voilà donc échevelé, bleu du froid, à demi calciné par le feu, une femme vivante ou morte sur les épaules, et courant. Courant sur les ponts ébranlés par les secousses des glaces, courant dans les rues désertes, malgré l'alarme, courant partout et trouvant tout fermé. Quelle idée! S'il allait au séminaire! Il connaît le secret de la porte d'entrée, l'issue extérieure de l'église, il y va. À peine eut-il refermé la vieille porte de chêne, qu'il déposa son fardeau sur les carreaux de l'église. Que de pensées vinrent l'assiéger la vue d'une femme presque nue dans le saint sanctuaire, et en considérant quel costume il portait, lui, qui serait prêtre en ce moment, s'il avait eu de quoi payer sa dernière inscription. En effet, voilà le tableau grotesque, lugubre et déchirant qu'offrait cette scène imprévue. Dans l'église, un seul luminaire mourait de consomption dans la nébuleuse atmosphère du maître-autel. Les grands cierges blancs, les peintures fortement accusées du Moyen-Âge, les bannières flottantes, la chair de marbre, architecture et décor, chaque objet volant un maigre filet de lumière, tout en haut, là-bas, par côté, au fond, semblait trembler. Et cette illusion était encore augmentée par la lune qui semblait se déplacer en courant sous un nuage et par le bruit de la débâcle qui imitait celui de la mer. C'était à s'y méprendre dans ce moment un monument à la voile ou un navire de pierre. Et là, lui debout, elle à terre. Lui comme un païen au sortir du cirque, elle comme une vierge mise à mort et qu'on vient de rouer. Lui comme un saint personnage de marbre que les infâmes auraient recouvert d'or pour mondain et de guenilles de théâtre. Elle, martyr de sa foi, et c'était lui qui était le martyr. Avec ses jambes de velours, pleines d'une grâce profane, il aurait marché à la potence du juste. Sa poitrine, cachée sous les tissus les plus fous, se serait ouverte à la grippe du léopard, et sa tête, toute de cheveux, de parfums et de fards, se serait laissée briser comme une amande entre les tenailles du bourreau. La nuit entière se passa dans le silence de part et d'autre. Qu'avait-il donc, pour ne rien se dire de tendre, eux qui s'aimaient comme deux anges? Où trouver plus de silence, plus de voûte sonore à répéter les cris de l'ivresse, plus de mystère à mêler à la réalité, plus d'effroi à troubler l'amour? Ils avaient des morts sous leurs pieds, de l'obscurité sur leur tête, un incendie lointain pour flambeau, le tocsin pour orgue. Quelle nuit de noces! Et ils n'en profitèrent pas. Le jour vint, et Adélaïde se leva, et elle regarda Augustus, et Augustus la regarda. Ce fut un éclat de rire à rompre les puissances de l'estomac. Trois fois, ce rire gigantesque fut rendu par les voûtes. Ils étaient fous, tous deux. Compagnons joyeux, éclairés par l'aube, à demi nus, prétentieux comme s'ils allaient au bal, lui le mari, elle l'épouse, ils gagnèrent la porte de Bamberg qui donne sur les champs. Un cheval tout scellé qui attendait probablement son maître, leur ayant paru convenable, ils le montèrent, et Augustus le lança sur la grande route. Adélaïde, Adélaïde, donnez-moi votre main, car je sens là pour vous quelque chose que je n'ose vous dire. Parlez, parlez, car j'éprouve aussi pour vous un sentiment qui n'attend que l'explosion du vôtre pour éclater. Eh bien donc, l'Église est un vaisseau, le pape en est le capitaine, le peuple l'équipage, les rois les lieutenants, les humbles en sont les mousses. Cela vous dira c'est combien je vous chéris. Je vous comprends. Vous me dites que j'aime encore le baron de Crabbe, ce jeune blond que je rencontrai une fois au bal chez mon père. Beau garçon, en vérité, l'œil noir, la bouche fraîche, les dents transparentes. Ça vous dira assez que je vous déteste. Vous me comblez de joie, Nielski. Augustus lui prit alors la taille, et Nielski s'y prêta avec abandon. L'homme, selon Swedenborg, bel Nielski, est double. Il se compose de l'homme-esprit et de l'homme-matière. Dans moi, il y a un autre homme qui a des yeux spirituels, des mains spirituelles, des sens spirituels. Si l'homme extérieur meurt, l'homme intérieur survit, comme l'outil d'acier survit à l'ouvrage qu'il a modelé sur le bois ou l'airain. Ce qui fait que nous allons au paradis avec des formes humaines, mais impérissables. Notre bouche ne suce pas à baiser, nos yeux à voir, nos mains à saisir. Ah, je sens à votre voix et à cette main qui presse, que vous êtes le baron de Crabbe. Eh bien, j'accepte encore cette contredanse, mais c'est la dernière. » Augustus pressa plus fort contre son sein la pâle et fugitive Nielski. Et dans ce séjour, j'ai rencontré la belle Adélaïde, ma sainte protectrice, avec sa tunique de brocart et la palme verte de martyr qui se balance dans sa main. « Monsieur de Crabbe, je vous en prie, ne me regardez pas ainsi. On croira que nous avons des intelligences secrètes. Les gens de Bamberg sont si médisants. Mon gant est tombé, ne le ramassez pas. Mon collier s'effile. Gardez-vous d'y faire attention et surtout, n'en ramassez pas les grains. » Et comme satisfaits l'un et l'autre de ces bizarres et réciproques témoignages d'affection, ils tombèrent dans le silence. Elle, penchée, molle et vaporeuse, se fondit sur la poitrine d'Augustus. Augustus colla sa joue brûlante d'amour et de religion sur la joue blafarde de Nielski. Le cheval galopa. C'était par une rude matinée d'hiver qu'ils allaient ainsi sur la glace, ces deux fous, ces deux anges, ces deux démons. Rien ne les arrêtait, ni le froid qui bleuissait leur peau, ni les branches d'arbres qui déchiraient leurs habits de comédiens et de princesses, ni les troncs de bouleaux blancs comme des fragments de colonnes qui empêchaient les élans du cheval, ni la brume qui mouillait leurs longs cheveux. Solitude partout. Le soleil, caché comme un œil sous la cataracte, roulait terne dans l'atmosphère. Et pourtant, que d'amour et d'énergie volupté dans cet engourdissement de la nature. Leur haleine se confondait. Leurs bouches étaient frappées l'une sur l'autre et ainsi entrelacées, tordues, mêlées, emportées, hagards. Ils virent passer devant eux bien de forêts décharnées, bien de hameaux engourdis, bien de bourgs et de villes grelottantes, bien des espaces nus, glacés, sans limite. Ne sentez-vous pas, monsieur de Crabbe, l'étouffante chaleur qui nous accable? Moi, j'en meurs. Ce que vous me dites là, Nialski, est un hommage rendu à ma fidélité. Et quoique cela paraisse un peu hardi pour une baronne, l'excès d'amour l'autorise. Sa main bleue avait coulé entre les épaules bleues de la baronne. Monsieur de Crabbe, ayons l'air de causer. Oui, sainte Adélaïde, tout s'épure à votre chaste flamme, souffrez que j'embrasse votre sainte image. Conçoit-on une situation plus étrange et plus inconnue au monde que celle de deux êtres passionnés l'un pour l'autre, obéissant extérieurement à toutes les exigences de cette passion, et ne trouvant jamais sous leurs lèvres le mot correspondant à leur situation, agissant au présent en parlant avec le passé, ayant dédoublé leur être pour laisser leur tête en arrière, et ne garder que leur cœur, moralement parlant, espèce de décapité, sur lesquels auraient été placées deux têtes prises au hasard. Ce qui ensuite se passa entre eux dut être inouï, comme leur amour, leur rencontre, leur voyage, leur folie. Restèrent-ils à cheval? Descendirent-ils? Le givre cristallisa-t-il leurs cheveux? Les loups et les ours ne vinrent-ils pas plusieurs fois se pendre à leurs guenilles traînantes et poser leurs dents ou leurs griffes sur leurs brodequins? Nul ne le sait. Tout ce qu'il nous est donné d'ajouter à ce récit, c'est qu'au mois de mai suivant, il n'était question dans Bamberg que du mariage du séminariste devenu fou avec la baronne devenue folle. Cette union était rigoureusement urgente pour l'honneur de la famille de la baronne, et l'on comptait beaucoup aussi sur l'éclat de la cérémonie pour les ramener l'un et l'autre à la raison. Des Français n'auraient pas manqué d'épigrammes à propos d'un mariage uniquement destiné à guérir d'une folie. Mais nous sommes en Allemagne. Il est midi. L'église est ouverte. Rangés sur deux files, les pauvres, les vassaux, les serviteurs de la jeune baronne attendent en costume de fête et les larmes aux yeux, car il y a de la joie et du deuil dans leur âme, l'arrivée des fiancés et du cortège. Ils ne savent s'ils doivent dire à voix basse la prière lente des morts ou l'hymne du mariage, s'ils jetteront aux pieds des mariés des guirlandes de roses ou des rameaux bénis de cyprès, s'ils étendront sur leur tête un linceul ou le voile nuptial, s'ils glisseront la bague d'or à leurs doigts ou s'ils poseront sur leur poitrine la croix éternelle des tombeaux. Par pitié, plus que par obligation, le prêtre s'est aussi prêté à cette risible et sainte cérémonie. Arrive enfin du château le convoi des mariés. L'orgue joue le De Profundis, ils entrent. Comme il rit, comme il rit! Il crache en passant dans le bénitier, envoie une malédiction à la Sainte Vierge tout en se donnant la main. Pâles et décharnés qu'ils sont, gais et mourants qu'ils paraissent. Elle et lui avancent en chancelant leurs jambes fines d'araignée sur les dalles de marbre. Elle avec son pied nu, lui en lançant de distance en distance son soulier neuf de mariée. Et quand le prêtre demande si elle consent à épouser Augustus, et à Augustus s'il consent à prendre pour femme Nialski, il leur est impossible de dire oui. Ce mot, ces trois lettres, cette diphtongue fatale ne peut sortir de leur bouche. Ce mot s'est évanoui dans leur tête. Ils l'ont perdu, à jamais perdu. Toute l'énergie de leurs efforts d'intelligence ne peut le leur rendre. On le leur crie aux oreilles, on le leur écrit. Ils rient à scandaliser Dieu et les saints. Oui est pour eux une chose aussi inconcevable à comprendre qu'une rose sans feuilles, qu'un triangle sans trois côtés. Alors le prêtre se retire, l'orgue s'éteint, les témoins s'enfoncent dans les gémissements et les sanglots. Ce fut un horrible sujet de conversation pour Bamberg durant plusieurs semaines. On aurait oublié la marche de l'armée française si, à quelque temps de là, on eût appris son arrivée sur les murs. On sait que, parmi les bombes lancées par l'artillerie, il s'en trouva une qui tomba sur la maison des fous. La commotion fut si violente, au dire d'un historien allemand que j'ai en ce moment sous les yeux, que plusieurs aliénés, par l'effet de la frayeur, recouvrèrent subitement la raison. Un éclat de cette bombe tomba dans la loge de la baronne Nialski. Elle fut tuée. Une autre fracassa la loge d'Augustus. Il revint à la raison. Et comme il obtint de la pitié des Français une somme d'argent assez forte, il eut le bonheur de prendre sa dernière inscription théologique. Aujourd'hui il n'est plus fou, il est diacre. Ainsi s'achève Nialski par Léon Gozlan.